إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما هو آخر باب أخذنا؟ باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء في حماية التوحيد، يعني حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وصده كل طريق يوصل إلى الشرك. إلى قزم التوحيد إلى فهم توت بوت يمن. نعم. هذا استسلس يعني son la principale cause de son envoi lui ainsi que les messagers c'est cela. Appeler au Tawhid, le préserver, et fermer les portes qui mènent à son opposant. Avec d'autres choses à côté, bien évidemment. Bon comportement, savoir ce qui est halal, ce qui est haram sur nous, et ahkam, ou akada. Comment on a expliqué la tajalou biyutakum kuburan ? On ne fait pas de vos maisons les kubours ? Naam. بمعنى لا بد تصلي فيه يعني tu dois faire tes salawat dedans etc. tes nawafil mais pas que ce soit comme un khab. Pourquoi? Ah là où parce que le salat vers le kubur le makbara c'est haram. Ah là où aïwa ou fani fani la yajouz en tadkoul yani le makbar ou qabr fi beyti. أن يدفن الإنسان في بيته. نعم. أرمي pour les NBA qui eux sont enterrés là où ils décèdent. صلى الله عليه وسلم. سندخل في الباب الجديد. فهو ما جاء أن بعض أهل الأمة يعبد الأوثان. Ce qui est venu à propos du fait qu'une partie de cette communauté va adorer les أوثان, les idoles. فالمؤلف رد بهذا الباب ردا على من يرى ان من قال لا اله الا الله لا يكفر ابدا بعد هذا. طيب il a voulu répondre à ceux qui disent que le musulman s'il dit la ilaha illallah après ça on ne peut le rendre mécréant d'une part de part qu'il ne peut pas commettre de shirk wa hadha qawl batil lian Allah azza wa jalla قد ذكر في كتابي ومن يرتد منكم عن ديني celui qui apostasie parmi vous de sa religion, ça veut dire que la religion tu en sors par différentes choses, ça peut être par des croyances, par des actes et même par de simples paroles. Ce n'est pas quelqu'un qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire son islam est garanti à vie. Hazi aqidat al-murji'a faqal rahimahullah ta'ala qawlullah ta'ala alam tara ila allazina utu nasiban min al-kitab يؤمنون بالجيب والتاغوت. Dans le sens où Allah a dit, n'as-tu pas vu ceux qui ont une part du livre et qui croient au djib et au taghout? Ils croient au djib et au taghout. Donc les gens qui ont eu une part du kitab sont les on a al kitab. Et يؤمنون بالجيب قاله هو السحر la sorcellerie. وتاغوت الشيطان وقد يكون أوسع من ذلك يقول ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا qu'ils disent à ceux qui ont mécru ceux-là sont de meilleures voies que ceux qui ont cru. Et ça c'est ce qu'a dit qui Ka'b ibn Ashraf lorsque les mouchriquins de Quraysh sont venus le voir pour pouvoir s'allier contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont partis les voir et de là ils ont, on va dire quelque sorte, coincé les Yahouds. Ils leur ont dit yani, qui sont les meilleurs? Nous ou Mohammed? Qui sont les meilleurs? Nous ou Mohammed? Et Ka'b il leur a dit Mohammed à quoi il appelle? Après ils ont dit Mohamed il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il dit vous êtes meilleur que lui. Donc vous êtes meilleur que lui. Donc là, c'est ça, la cause pour laquelle le verset est descendu. Ils disent à ceux-là, c'est-à-dire Mouchilekoun, que vous êtes de meilleure voix que ceux qui ont cru. C'est-à-dire, c'est Yahoud, on dit aux Mouchilekoun de Quraysh qu'ils sont meilleurs que Mohammed, alors qu'ils savent très bien que ce à quoi appelle Mohammed, c'est le haqq, car là-bas, c'est sur quoi ils sont censés être eux-mêmes. Et c'est sur quoi appeler le Anbiya Kazalik. Naam. قال فإن كان هذا قد وقع من اليهود فسيقع من هذه الأمة التي تتبعون سنن من كان قبلكم. Si jamais cela s'est produit auprès des Yahoud, cela arrivera également à cette Umma. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous allez suivre les traditions de ceux qui étaient avant vous. فدل على أن هذا سيكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يكفر ويقول أن الكفرة أهدى من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ووقع قديما ويقع الآن ممن يفضلون اليهود والنصارى على هذه الأمة. Dit, cela démontre que dans la communauté de Mohammed, il y a des gens qui vont mécroire et qui vont dire que les kuffars sont meilleurs que les suiveurs de Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et cela a lieu auparavant et cela a lieu actuellement. Ils préfèrent les Yahoud et les Nasara à cette Umma. Naam, fialen, hasal. Ça, tu l'as vu. On a des gens qui se disent musulmans et qui feront plus d'éloges des koufars que des leurs frères en islam, si jamais ils sont encore musulmans, ces gens-là. Ça, tu le vois beaucoup, surtout dans les attentats qui ont lieu en France, tout ça. Tu as vu les koufars, ou plutôt tu as vu les musulmans. Quand j'ai des musulmans, je parle aussi de ceux qui sont parentés à l'islam, parmi les ignorants, parmi ceux qui ont apostasié, sans aucun doute, qui ont accouru vers les koufars, directement. Il y a un imethalen, tu as des gens qui ont osé dire que Methalen, à titre d'exemple, j'ai oublié son nom, j'ai entendu son audio, qui a osé dire que ceux qui ont été tués parmi les koufars, dans les attentats, sont au Jannah. Et les tueurs sont au Nar. On dit les tueurs, on ne sait pas à qui ils sont. On ne sait pas à qui ils sont. Les gens se précipitent à dire c'est Daesh, c'est Foulen, c'est Foulen. On ne sait pas c'est qui. Et Hab, Annahoum, Kanou Muslimin, même s'ils avaient été des musulmans, admettons qu'ils avaient été des musulmans. Il y a que Allah Azza wa Jal, wal fitnatu akbaru min al qatl. Et que la fitna est plus grande que le meurtre. Et la fitna, c'était Mufassal par le shirk et le kouf. C'est-à-dire que le kafir, à la base, même si un musulman fait des actes de terrorisme et qu'il reste musulman, il restera meilleur que ce kafir qui a été tué. Et on le dit tout le temps, l'acte, on le blâme. L'acte n'est pas permis, il est haram. Quand même, c'est haram de faire cela. Car ce sont des vies interdites à ce moment-là. Ce n'est pas permis de faire d'agir de la sorte. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit également dépasser les limites en commençant à faire l'éloge des koufars qui ont été tués et en mécréant à un musulman qui aurait pu avoir commis une erreur. Ou alors même s'il a fait exprès, il n'a pas commis d'erreur. C'est un vol, c'est un égaré, c'est un mot pour dire. Amal, on le kafar pour ça. C'est pas du shirk qu'il a fait. C'est pas du shirk qu'il a fait. Hein? Inna Allah la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Le verset. Que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne qui est moindre que cela à qui il veut. Donc tu es un kafir, c'est pas du shirk. À main eux, tu les vois faire des actes. Nassalan, celui qui est parlé, ce jour-là, il avait son passeport français, il l'a embrassé. Il a dit vive la France. Tu vois ? C'est-à-dire, c'est le mouwalat et le koufar, là. Ce qu'elle aime en soi, et de dire que les koufars, ils sont au Jannah, c'est de la zandaka. Car Allah l'a bien dit, les koufars, ils ne rentreront jamais au Jannah. Hatta, il y a des djels, le jamef, ici, mais le khayyat. Ils n'entreront pas au paradis tant que le chameau n'entrera pas dans le fil de l'aiguille. Toi, tu viens et tu dis, ils sont au Jannah, parce qu'ils ont été tués. Et en plus, je ne sais plus c'était dans quels événements, je crois que c'était dans le concert de rock qui avait eu lieu. Pas mieux des satanistes. Ils sont au Jannah, ces gens-là. Ou ceux qui ont fait Charlie Hebdo, qui ont insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont au Jannah, ces gens-là. Tu sais, c'est ta'ajab. Et tu les vois descendre, en dehors même de cela. Descendre et critiquer les gens de la sunna qu'on apparence salafi Parce qu'il y en a qui sont salafis pour des boîtes, il y en a qui ne le sont pas. Et tu les vois, yani, aduler les koufars. Tamam. Ils préfèrent faire l'éloge des ennemis d'Allah et s'opposer aux gens qui souffrent, eux, sont les adbars de Mohammed. Tu vas voir des gens faire du koufre, du chic devant eux, ils ne vont rien dire. Tu vas dire, Foulen, c'est un marabout. Oui, mais il a dit la ilaha illallah. Foulen, il fait du sihr. Oui, mais il a dit la ilaha illallah. Foulen, yastaïs vil amwat. Il invoque les morts. Oui, mais il a dit la ilaha illallah. Foulen, yasbar li ghilillah. Il va dire, ouais, mais il a dit la ilaha illallah. Ah, Foulen, il a tué un kafir. Alors là, il est au feu éternellement. Ah bon? Tous ceux qu'on a cités auparavant, là, ils ont dit la ilaha. Lui aussi, il a dit la ilaha illallah. Il fait salat, il a une grosse marque sur le front. Et en apparence, il est plus sunna, peut-être plus sunna que certains d'entre eux. Et là, tu as un kafir, Salam. On dit que c'est un peu en apparence sunni. Ah là, non. Là, c'est takfir officiel. J'ai lu hier, on m'a envoyé une parole d'un soi-disant haute autorité sunnite de Al-Azhar, la plus grande autorité sunnite, soi-disant. Je ne savais pas qu'il y avait une grande autorité sunnite qui existait, tu vois. De l'Azhar, l'Azhar, on connaît le hal de l'Azhar en Égypte. Qui dit qu'il rend kuffar les salafis, les takfiri, les da'ishi. Il dit qu'ils sont un cancer, une tumeur qu'il faut amputer de la umma. Car ils font du mal aux musulmans et aux non-musulmans. On dit Allahu Akbar. Takfiri, na mubtadi'a. Da'ish, le qa'ida mubtadi'a. Amel salafi, ish dakhala. À quoi tu mélanges les salafis avec ces gens-là? Et le wahhabi aussi, il dit. Bien sûr, wahhabi. Donc tu vois, ça, et ta'alak bihada. Tu vas l'avoir avoir de la rahma pour les, comme ils appellent, hein, non musulmans, comme ils les appellent, et avoir de la shidda pas possible pour d'autres musulmans. Quand Allah Azza wa Jal, Muhammad Rasulullah, wallazina amanu ma'ahu, ashiddahu al-kuffar, wa ruhama baynahum, qu'ils sont miséricordieux envers les croyants, et ils sont durs envers les mécréants. Eux, c'est tout le contraire. Il y a Adam et Aramat et Nifak. Ça, c'est parmi les signes de Nifak, bien évidemment. Enfin, Adam, c'est un tambi qui est lié par rapport à cette masala. Que le Walal Bara chez les musulmans aujourd'hui, il est quasi inexistant. Il est Indaman Rahimallah. Il est Indaman Rahimallah. Wa qalilum ma hum. Thumma qal. Wa qulu Allah ta'ala. قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكردة والخنازل وعبد الطاغوت. Il dit, vais-je, dans le sens où Allah dit, vais-je vous informer de ceux qui ont la pire peur auprès d'Allah, ceux qui l'ont maudit et sur qui s'est mis en colère et qui a fait d'eux des singes et des porcs et des adorateurs du Tagout. Quand les chefs de Baz, Allah Ta'ala, فإذا كان من قبلنا عبر التاغوت وهو الشيطان وكل من يعبد من دون الله فهكذا يوجد في هذه الأمة من يعبد التاغوت والأوثان لحديث لا تتبعون سنن من كان قبلكم. Donc si parmi les gens il y avait des gens qui adoraient le taghout, qui est shaitan et qui adoraient tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, cela également aura lieu dans cette umma suite au hadith que vous suivrez certes la sunna de ce qui était avant vous. Et là, c'est Nisbi, c'est pas toute la Umma. C'est-à-dire, parmi vous, quand même, parmi vous, dans cette Umma, des gens suivront les sunnans de ceux qui étaient avant vous. Et ce n'est pas le hadith qu'on pourrait prendre peut-être des gens qui vont kafar tous les musulmans aujourd'hui, et c'est pour tout le monde. C'est pas tout le monde dans la Umma. Comme a dit le Nabi sallam, « La tazal ta'ifatun min ummati ala al-haq zahirin, la yadurruhum man khazalahum, hatta takum as-sa'a. » Il a dit qu'une partie de ma communauté qui restera sur le haq, apparents et qui ne seront point nuits parce qu'ils les ont abandonnés jusqu'à ce que se lève, jusqu'à ce qu'apparaisse l'heure. Donc il y aura des gens qui sont toujours sur le haq dans sa communauté. Mais ces gens-là ne sont pas nombreux. Et dans le Coran, dans la Sunna, leurs sifat nous ont été donnés, qui ils sont. Ceux qui suivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba wa salaf adil umma. Wa qulullahi ta'ala kul qalil lazina. قال الذين غربوا على امرهم لننتخذن عليهم مسجدا. Le Rasoul Allah dit, ceux qui ont eu le dessus dans leur affaire diront, Certes, nous bâtirons sur eux, c'est-à-dire sur les groupes qui étaient dans la caverne, avec leurs chiens. Il dit, nous allons certes construire sur eux un masjid. Pour le miracle qu'ils ont vécu 300 ans dans la caverne. Donc ça revient au hadith encore. Que si des gens auparavant avaient pris des kubur masajid, comme ce fut le cas de ces gens-là, c'était dans le verset, qui ont voulu faire un masajid sur le lieu de ces gens qui étaient dans la caverne, alors cette umma également agira de la sorte, et aujourd'hui ça a arrivé. C'est arrivé, on l'a vu. وقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو الكذا بالكذا حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه رسول أبو سعيد que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit vous allez certes suivre les sunnans de ceux qui étaient avant vous pas à pas, que même s'ils entreraient dans le trou d'un lézard, vous y entrerez avec eux. Non. Ils ont dit, qui donc au message d'Allah? Les Yahoud et les Nasara, il a dit, qui donc? Donc ce hadith en est même explicite. Qu'on va suivre dans notre Ummah, les gens vont suivre les sunnans des gens qui étaient avant nous. C'est pour cela que l'on explique l'autre jour dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité l'effet de El Kitab. Pourquoi? Pour qu'on ait une ibra. Pour qu'on ne fasse pas comme eux. Ça veut dire que si on ne doit pas faire comme eux, c'est que parmi nous, certains vont faire comme eux. Sinon, où est l'intérêt de donner des faits blâmables de gens avant toi, ce n'est pour te dire de ne pas faire comme eux. Mais Allah a décrété que parmi nous, certains feront comme eux. Et dans plein de choses que l'on fait aujourd'hui, même sans arriver au stade du kufr, dans la Ummah, plein de choses qu'on fait, on se met à imiter les kuffars, les juifs et les chrétiens dans plein de choses qu'ils ont fait, les musulmans ne font pareil. Et les gens qui étaient dans le kufr auparavant, chez les chrétiens, vont plus reconnaître la tradition des chrétiens que les autres. Ça, c'est clair et net. Des fois, les gens disent, ouais, plein de gens qui sont en islam, parmi les convertis, sont durs. Ils ne sont pas durs. Ils ont connu le kufr. Donc, tout, vous faites là, ils ont vu avant que vous le fassiez vous-même. Vous ne savez pas d'où ça vient, ça. Ils disent, moi, avant mon islam, ce que tu fais là, je le faisais. Et en rentrant en islam, pour moi, c'est terminé, ces choses-là. Et je les retrouve chez vous. Comment? Je ne comprends pas. On est censé se différencier de ces gens-là. Les gens ne comprennent pas. Non, mais vous êtes dur, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Apprenez votre religion. Et apprenez qui étaient les mouhams qui étaient avant vous et sachez qui sont vos ennemis. Car on ne connaît une chose, on ne connaît l'arrêté d'une chose qu'en connaissant quoi? Son opposé. Donc il faut apprendre, comme Pharaon Zaïfa, Kuntu Asel, Kananas, Yasaluna Rane Khair, Wakuntu Asel Nabi Sassalem Aneshar, Machaofa, Machaofatan Akor Afi. Que les gens interrogeaient à propos du bien. Moi, j'interrogeais à propos du mal, pas faire le tomber dedans. Donc, il faut demander à propos du mal pour ne pas tomber dedans. Et savoir c'est quoi le mal. Thumakal, Rahmanullah Ta'ala. Wa les musulmans, Thawban, radiallahu anhu, anna Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, kala inna Allah zawali al-ard, fa ra'aytu ma sharikaha wa maharibaha, wa inna ummati sayabluhu mulkuha ma ruwiya li, ma mazuwiya li minha. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبح بيضتهم وأن ربي قال يا محمد إني قد قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني لا أعطيتك وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سواء أنفسهم فيستبح ببيدتهم ولو اجتمع عليهم من أكتارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويزبي بعضهم بعضا. Donc pour muslim selon Thawban que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit que Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a attribué de voir la terre, m'a accordé de voir la terre. Donc j'ai vu son orient, son levant et son couchant. Et son orient, son occident. De ma communauté, yani, ce que atteindra comme royaume de ma communauté, c'est-à-dire sur cette terre. De ce qui m'a été dévoilé, démontré. Et il m'a été accordé les deux trésors, le rouge et le blanc, que j'ai demandé à mon Seigneur de ne pas anéantir ma communauté en une seule fois, dans sa totalité, par un fléau. Et de ne pas l'assouvir à un ennemi en dehors d'elle-même. Qui après, par la suite, d'avoir l'avantage sur eux, en les agressant. Et il a dit, ô Mohammed, lorsque je décrète une chose, elle ne peut être rejetée. Et certes, j'ai donné à ta communauté, j'ai accordé à ta communauté, qu'elle ne sera pas détruite dans sa totalité, en une seule fois, par un fléau. Et de ne pas laisser d'ennemis les dominer en dehors d'eux-mêmes, même s'ils venaient de tous les coins de la terre. Tant que ta communauté ne se mettra pas à se combattre elle-même et à se soumettre à l'esclavage. Que certains de ta communauté se mettent à s'opposer à d'autres et à en assouvir certains à l'esclavage. Donc là, dans ce hadith, les deux trésors, le blanc et le rouge, le rouge, c'est l'or qui était présent chez les Romains. Ou al-abiyad, c'est l'argent. Al-azi kana mawjoudan 'inda al-faras, chez les Perses, qui étaient les plus grands états à l'époque. Et les Romains, eux, c'était des Nasara à ce moment-là, et les Perses, c'était des Wasaniyin. Et après cela, yani, la Umma a conquis ces terres sous le khalifa de Omar, radiallahu anhu, et Othman. Et ses frontières sont élargies. Donc là, Allah SWT a répondu aux demandes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais en émettant une condition, que sa communauté ne soit pas dominée par un ennemi en dehors d'elle-même. Il a dit non, mais tant que quoi, qu'ils ne se comporteront pas les uns les autres et ne se mettront pas à s'assouvir à l'esclavage les uns les autres. Chose qui a eu lieu. Donc de là, yani la Umma s'est fait dominer par ses ennemis. Elle s'est fait dominer par ses ennemis. Mathalen, comme cela arrivait avec les Tatars, fut un temps, fut Ayem Baghdad, aujourd'hui également, les Muslimoun, le Hakan Yukol, ils sont dominés par les Koufars dans beaucoup de choses. Maintenant, c'est les Koufars qui mettent la pression aux Muslimines. Faites ceci, ne faites pas cela. Faites ceci, ne faites pas cela. Pourquoi ? Parce que la Ummah s'est détournée du tamassouk du kitab wa sunnah, ala al-asaf. Quand on dit la Ummah, ce n'est pas tout le monde, mais l'ensemble de la Ummah n'est pas sur la fermeté de sa religion. Et la majorité de la Ummah est dans l'ignorance. Et cela nous a coûté quoi ? Cet affaiblissement et ce rabaissement face à nos ennemis. Et des hadiths sont venus qui annoncent cela. Kathir, chose qui nous appelle justement à la base à nous unir. À nous unir les uns les autres. À s'entraider dans le sabr et dans le haq. Mais bien sûr, sur la vérité. C'est pas on s'unit comme ça dans le fawda comme le font les musulmans. Sur quoi on est d'accord et on s'excuse sur quoi on n'est pas d'accord. On dit non. On s'entraide dans le haq. Et le batil, on le rejette. Et on se conseille mutuellement. Et après, on agit aux conséquences. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد هذا الشيدة في زيادة نعم وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المذلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تكم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بمشركين حتى تعبد فئة من أمتي الأوثان وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعمون أنه النبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يدرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Donc là le shahid du hadith précédent, il a cité dans ce hadith là qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce que j'ai peur pour ma umma sont les guides égarés, c'est-à-dire parmi les gouverneurs ou même les ulama. Et que si l'épée tomberait sur eux, qu'elle ne remonterait plus jusqu'au Yom Laqiyama. Et que l'heure ne se lèvera pas tant qu'une partie de ma communauté ne rejoindra pas les mouchriquines. Hada wa shahid. Et qu'une partie de ma communauté se mette à adorer les Awthan. Et qu'il y aura dans mon communauté 30 menteurs, grands menteurs. Tous prétendront qu'ils sont un prophète. Je suis le dernier des prophètes. Il n'y a pas de prophète après moi. Et qu'une partie de ma communauté restera sur la vérité secourue et ne sera point nue par ceux qui les ont abandonnés jusqu'à ce que l'ordre d'Allah ne vienne. Hada wa shahid. Donc là dans ce hadith, il craint pour nous les mauvais gouverneurs. Il dit que ça englobe les détenteurs de pouvoir, les juges également. Ceux qui vont égarer les gens en jugeant de façon inéquitable et injuste. Et par rapport à son call, وَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ لَمْ يَرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَهَذَا قَدْ وَقَعَ وَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فَإِنَّ بَابَ الْفِتْنَةِ فُتِحَ بِقَتْلِ عُمَرَ ثُمَّ ازْدَادَ بِقَتْلِ عُثْمَانَ وَزَادَ الشَّرَّ. C'est-à-dire que l'épée sera levée et ne cessera jusqu'à يَوْمِ الْقِيَامَةِ. C'est-à-dire le fitna entre nous, entre les musulmans. Et cela est arrivé, comme le dit le Shir, c'est parmi un signe de la prophétie, car cela est arrivé depuis quand cette porte était ouverte. Le meurtre de Omar radiallahu anhu est encore plus empiré avec le meurtre de Othman. Et ensuite, par la suite, ça a été Ali radiallahu anhu. Les Khulafa Rashidun ont été tous tués à part Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Il a parmi le shahid du hadith que l'heure ne se lèvera pas tant qu'une partie de ma communauté n'aura pas rejoint les mouchriquines, aucune partie d'entre elles sera mise à adorer les Awthan. Donc ce hadith-là démontre qu'une partie de la communauté tombera là-dedans, contrairement à ce que des gens font. Contrairement à ce que des gens font et disent. Donc pour croyance. Et pour le fait que certains viendront et prétendront al-Nubuwa, cela est arrivé. Cela est arrivé avec Musaylima, Mathalan. Il y en a d'autres, des Djaloun, qui ont prétendu être des Anbiya, être des prophètes. Et tous sont des menteurs, des Djaloun. Et qu'une partie de sa communauté ne cessera d'être sur la vérité. Jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الشيخ وهي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فتقوم الساعة على شرار الناس. C'est quoi l'amr d'Allah? C'est qu'un bon vent va venir pour prendre l'âme des mu'minin et l'heure ne se lèvera que sur les mauvais de la création. Et on avait expliqué comment hier حتى تقوم الساعة dans l'autre hadith qu'une partie de la communauté restera jusqu'à ce que l'heure vienne. On a expliqué hier, ça voulait dire quoi? Comment on joue entre ces hadiths-là? Que l'heure ne viendra que sur les mauvais, et d'autres hadiths diront qu'une partie de la communauté restera sur le haq, jusqu'à ce que vienne l'heure. Comment on a dit? Les courbes sa'a. Ah non. Les courbes sa'a. Reprenez Masa'il. Donc tous ces hadiths nous démontrent qu'une partie de la umma tombera dans le shirk. Et se mettra à adorer les awthan. Et aujourd'hui, les plus grands awthan adorés sont les kubur. En islam, les kubur. Qala fi masail. Al-oula tafsir ayat al-nisa. Al-thaniya tafsir ayat al-ma'ida. Al-thalitha tafsir ayat al-kahf. Al-rabi'a wa hiya ahammuha. Ma'na al-iman bil-jibt wa al-taghut fi hadha al-mawdu'. Mawdi'. Hal huwa i'tiqad qalb أو هو موافقة أصحابها مع بعضها ومعرفة بطلانها. Que dit la quatrième, qui est la plus importante, c'est le fait d'avoir l'iman au djibt ou au taghout. La foi à la sorcellerie et au taghout qui est shaitan. Elle, que cela a lieu par une croyance dans le cœur, ou par le simple fait de concorder avec ses adeptes. Tout en reniant cela dans son cœur. Car il a dit quoi dans le verset? Alam tara ila allazina utuna nasiban min alkitab yu'minuna bil jibt wa taghut. Ça veut dire que eux, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ont cru au jibt wa taghut du fait qu'ils ont cautionné le mushrikin. C'est-à-dire que même dans ton cœur, tu ne le reconnais pas, mais tu l'as dit. Et tu n'as pas de contrainte, tu n'as pas de darurah, rien du tout. Takfur bi dhalika. Ils ont dit qu'elle aimait le kufr en disant que à la base c'est les kufars, c'est des yahoud. Mais Hadha, c'est une hujja pour ceux aujourd'hui en islam qui diraient une parole de kouf pour secourir les musulmans, les koufars sur les musulmans. Ou préférer les koufars aux musulmans sans daroura, sans ilzam, sans contrainte. Cette parole-là, c'est du kouf. Et que cela, tu ressors de l'islam. Fumaqal. Alors que dire celui qui y croit et qui vraiment est d'accord? Il n'y a même pas à douter. Al-Khamisa, Kouluhum, An-Al-Kufar, Al-Lazina, Y'alifuna, Kufrahum. Que leur parole, que les koufars dont la méfiance était connue sont mieux guidés que les croyants. Donc le sixième qui, ça c'est le but de ce chapitre, qui cela, il est obligatoire que cela arrive dans cette umma, comme cela est démontré dans le hadith de Abu Sa'id. أغني عبارة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. Qui a été clairement dit que cela arrivera. C'est-à-dire que dans cette communauté, des gens adoreront les Awthan. Et ils sont très nombreux ceux qui feront cela. Ils sont très nombreux. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن رسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. طيب ومع هذا يصدق في هذا كله ما تضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في آم كثير. Donc il dit parmi les choses les plus surprenantes justement, c'est ceux qui sont sortis en prétendant la prophétie al-Nubuwa comme al-Mukhtar, alors qu'il a prononcé les deux shahada et qu'il a prononcé clairement qu'il était parmi les gens de cette umma, et que le messager est véridique, c'est-à-dire son envoi est vérité, et que le Coran est haq. Et dans le Coran, il est bien dit que Mohammed est le dernier des prophètes, c'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, et qu'on doit le croire en cela quand même, et que le Mukhtar est sorti à la fin de l'époque des Sahaba, et qu'une partie, une grande partie plutôt, de la umma l'a suivi. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا يتزال عليه طائفة. C'est une bonne nouvelle que le haq ne partira jamais dans sa totalité comme cela est arrivé avec des gens auparavant, mais plutôt une partie restera sur la vérité toujours. العاشرة الآية العظمى. طيب أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Le plus grand signe en cela, c'est que malgré leur petit nombre, ceux qui les abandonneront et qui s'opposeront à eux ne leur nuiront en rien. Et cela est une chose qui est conditionnée jusqu'à ce que vienne l'heure. Cela aura forcément lieu. Cela est inévitable. ما فيه من الآية العظيمة ومنها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب. وأخبر بمعنى ذلك ووقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. Comme signe immense que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé de ce que Allah lui a fait montrer de la terre, partie de la terre, dans le Mashriq, dans le Maghreb, et qu'il arrivera à conquérir tout cela. Et que cela est arrivé, contrairement au nord et au sud. La direction de l'Orient et de l'Occident, elles ont été conquises. وإخباره بأنه أعطي الكنزين qu'il a informé qu'il a eu les deux trésors qui sont l'or et l'argent. وإخباره بإباحة دعوته لأمته في الاثنتين. Et également qu'il a été répondu dans ces deux invocations tamam pour sa umma. Par contre, وإخباره بأنه منع الثالثة que la troisième n'a pas été accordée. إخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. Il a informé que l'épée, c'est-à-dire la fitna entre les musulmans, se produira et que cela ne cessera. وَيَخْبَرُهُ بِإِحْلَاكِ بَعْدُهُمْ بَعْدًا وَصَبِي بَعْدُ وَبَعْدًا وَخَوْفُهُ عَلَى أُمَّتِهِ مِنِ الْأَئِمَّةِ الْمُضَلِّينَ. Qu'il a informé que la communauté se combattra l'une les uns les autres et qu'ils se sauveront l'esclavage les uns les autres et qu'il a peur pour sa communauté des imams égarés. ويخبره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. Il informera de ceux qui prétendront la prophétie, sa communauté. ويخبره ببقاء طائفة المنصورة, que là, le groupe sauvé restera et perdurera. وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقل. Là, tout ce qu'il a informé est arrivé, alors que chacun de ces faits parmi les choses qui sont les plus loin de ce que pourrait y en y percevoir la raison. Jamais tu t'imaginais ce genre de choses. Et pourtant, ça a eu lieu. الثلاثة عشر حرصه الخوف على أمته من الأئمة المضلين. Là, il a redit, là, pour la peur qu'il a pour les أئمة qui sont égarés. Il l'a répété deux fois. الرابعة عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان. La mise en évidence du sens de l'adoration des Awthan. فهذا هو الباب الذي أخذنا اليوم. Qui est qu'une partie de cette communauté se mettra à adorer l'Awthan. Naam. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.